Les petites histoires de Tell Me. Les enfants et le lynx. Chaque jour après la classe, avec Tessa, ma meilleure copine et ma super voisine, on a un rituel. On joue au foot. Enfin, pas vraiment. On s'amuse à dribbler, jongler et faire des tirs impossibles. Enfin, surtout Tessa. Elle peut faire ce qu'elle veut avec un ballon, comme les pros. Moi, c'est tout le contraire, j'ai deux pieds gauches. Cette fois-là, alors que je voulais juste faire une passe, j'ai frappé si fort que le ballon a atterri dans la forêt. Tessa s'est écroulée de rire. Moi, je suis allé chercher le ballon, je l'ai trouvé en un rien de temps, il m'attendait, posé tranquillement sur un énorme buisson. Je me suis approché, le buisson a bougé. J'ai reculé, le buisson a de nouveau gigoté, le ballon est tombé. Une forme sombre a jailli du buisson, je me suis jeté en arrière mais j'ai trébuché et je me suis étalé en hurlant. Tessa a surgi derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe ? Oh, qu'il est mignon !» Tessa parlait d'un chaton avec des oreilles très pointues, cerclées de noir, des pattes tachetées de noir, un pelage beige, si touffu, qu'on aurait dit une peluche, qui jouait avec notre ballon. « C'est ce mignon petit chaton qui t'a fait peur ?»« Tu pourrais prendre le ballon. »« Pourquoi ? Il est tellement chou à s'amuser avec !» Elle lui donnait des coups de griffe et de crocs, oui. « De toute façon, on doit bientôt rentrer. Viens. » Tessa ramassait la balle. Le chaton faisait des petits bonds pour essayer de l'atteindre. Mon ami m'a regardé, les yeux pétillants, un sourire en coin. Puis a jeté le ballon au loin. Le chaton a foncé dans sa direction. « Mais enfin, c'est pas un chien. Hein. Peut-être, mais il a l'air d'avoir envie de jouer. Il est trop chou. » Elle l'a suivi en me laissant seul, comme un vieux slip, au milieu de la forêt. « Tessa, je te jure que c'est pas sérieux. On va se faire gronder. » Je les ai retrouvés un peu plus loin qui s'amusaient ensemble. J'étais tellement agacé que j'ai ramassé la balle alors que le chaton jouait avec. Une griffe est restée accrochée, je l'ai soulevée en même temps que le ballon. Il gigote, retombe sur ses pattes et se carapate. « Franchement, parfois, t'es trop nul. » Elle est partie chercher la boule de poil. Moi, je suis resté comme une courge avec ma balle, sans savoir quoi faire. Quelques instants plus tard, Tessa est réapparue. J'allais lui dire un truc, mais elle m'a fait signe de me taire et de la suivre. À mesure qu'on avançait, j'ai entendu des bruits de moteurs et de machines. On s'est approché d'un gros buisson. Le chaton était là, tout penaud. Tessa a écarté quelques branches pour me montrer. Les arbres, les plantes, l'herbe, tout avait été arraché. Des troncs étaient chargés dans un énorme camion. Un bulldozer se chargeait des arbustes rebelles. Une grosse pelleteuse des pierres. Plus loin, un petit monsieur en costume blanc discutait avec un colosse habillé comme un chasseur. À côté d'eux, il y avait une cage où étaient endormis deux chats, l'un gros comme un loup, l'autre à peine plus gros que notre chaton. « Tu crois que c'est sa famille ?»« C'est sûr, regarde, il tremble de peur le pauvre. » Elle a pris le chaton dans ses bras et a foncé vers la cage pour se planter face aux deux hommes. « Relâchez la famille de ce pauvre chaton, ils ne vous ont rien fait !» Pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'elle était plus grande qu'eux, que tout finirait bien. Jusqu'à ce que le petit monsieur en costume la dévisage amusé. « Petite, ce sont des lynx, pas de vulgaires chats, et ils appartiennent maintenant à Monsieur Big. »« Mais vous n'avez pas le droit !»« Leur mère a agressé un de mes employés. »« Peut-être parce que vous leur avez fait peur !»« Je suis chez moi ici, je fais ce que je veux !»« Ce sont des animaux sauvages et... »« Estime-toi heureuse qu'ils ne soient pas morts. »« Et puis, ils auront une belle vie !» Mais pas ici. D'ailleurs, ce serait triste que la famille soit séparée. Qu'en pensez-vous, Monsieur Big ? Le géant a hoché la tête avec un sourire aux dents si pointues qu'il aurait fait fuir un requin. Il a approché sa grosse main de Tessa. Sans réfléchir, je lui ai lancé le ballon en pleine poire. On en a profité pour s'enfuir. Revenez ici, espèce de petit ! On a couru si vite qu'on a dû battre tous les records du monde. On s'est précipité voir la seule personne qui saurait quoi faire, mon père. Le vétérinaire du village. Quand il nous a vus avec le lynx, il est tombé à la renverse. On lui a tout expliqué. Le petit en costume, c'est Truscani. Il achète tous les terrains dans le coin, un as de la construction. Je suis sûr qu'il a toutes les autorisations. Mais le lynx, c'est pas une espèce protégée ? Oui, mais vous avez des preuves. Et le bébé lynx ? Il dira que vous l'avez trouvé ailleurs. Alors, c'est fini ? Il a gagné ? Pas sûr, mais ça risque d'être long et compliqué. Je sais, on n'a qu'à faire une vidéo et la diffuser sur Internet pour les sauver. On pourrait même donner rendez-vous aux gens pour manifester. 20 minutes plus tard, papa nous filmait. Bonjour tout le monde, moi c'est Aaron. Et moi, c'est Tessa. Lui, c'est un bébé lynx. On l'a trouvé ce matin. Il avait une famille, sauf qu'ils ont été capturés sur un chantier qui grignote une partie de la forêt de notre petite ville. On dit pas qu'ils ont pas le droit de construire, mais pas comme ça. Le lynx est une espèce protégée, et on ne doit pas leur faire de mal. Alors si, comme nous, vous voulez les sauver, rejoignez-nous sur le chantier demain. Et si vous ne pouvez pas, partagez cette vidéo. L'instant d'après, la vidéo était partagée sur les réseaux de papa. On s'est couché avec l'espoir que plein de gens allaient nous soutenir. Et le résultat a dépassé nos espérances. Notre vidéo avait été vue plus de 50 000 fois. À l'école, on était les stars du jour. Tout le monde voulait nous aider. Après la classe, on s'est tous dirigés vers le chantier, accompagnés de nos parents et du petit lynx. Truscani nous attendait avec ses ouvriers. Il a foncé vers nous en agitant son téléphone. « Vous avez le culot de revenir ? Avec une armée de nains ? Et vous, les parents, vous n'avez pas autre chose à faire que croire ces petits menteurs ?»« Ah oui ? Et où est la famille du lynx alors ?»« Que veux-tu que j'en sache, petite ? Je ne suis pas expert animalier !»« Menteur ! Menteur !» Les copains nous ont imités. Truscani est devenu tout blanc, puis a viré à l'écarlate. « Vous ne perdez rien pour attendre !» Il a appelé la police. 5 minutes plus tard, un agent est arrivé. Personne ne parlait. Il nous a regardés, l'air sévère. « Les enfants, vous avez 2 choses à faire. Partir et relâcher cet animal. »« Mais il survivra pas tout seul. Il n'a plus de famille. »« Je ne vois pas ce que je peux y faire. » Mon cœur s'est mis à battre super vite. J'ai regardé Tessa, je lui ai pris le lynx des mains et je me suis avancé. Vous pensez vraiment qu'on aurait inventé cette histoire pour faire nos intéressants ? Le lynx, c'est une espèce protégée. Monsieur Truscani, il s'est arrangé avec Monsieur Big pour emporter sa famille, et ça, c'est interdit ! Le policier a plissé les yeux et remué les lèvres sans sortir un bruit. Je dois appeler le poste pour me renseigner. 5 longues minutes plus tard, il est revenu. Ma foi, Monsieur Truscani, vous allez devoir arrêter vos travaux un moment. Et puis, vous allez me suivre au poste. Mon chef aimerait parler avec vous de ce Monsieur Big. Monsieur Truscani était sans voix. J'ai regardé Tessa et les copains sans y croire. On avait gagné. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Jonel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine.